nous ne voulons pas jouer un drame. Nous ne cherchons pas à évoquer une histoire qui se serait passée dans le temps. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui et toujours aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui et toujours aujourd'hui. Nous ne cherchons pas à faire couleur locale en jouant de façon réaliste. Nous ne cherchons pas à faire couleur locale en jouant de façon réaliste. Pour nous, le temps n'a aucune réalité. Une histoire qui aurait vraiment existé. Pour nous, le temps n'a aucune réalité. Nous ne refusons pas de jouer une action. Donc nous refusons l'idée de temps. Le temps pour nous, c'est le passage d'un mot à l'autre. C'est le passage d'un mot à l'autre. Le temps s'écoule avec les mots. Le temps s'écoule avec les mots. Nous nions le fait que le temps écoulé puisse être retrouvé. On ne peut pas refaire un acte exactement de la même manière. Pour nous, le temps est votre temps. Pour nous, le temps est votre temps. Notre mesure de temps est votre mesure de temps. Vous pouvez régler votre temps sur le nôtre. Le temps n'est pas un nœud ayant deux extrémités. Ce n'est pas un élément de couleur locale. Écoulé ne se retrouve pas. Nous professons que le temps écoulé ne se retrouve pas. Entre nous, le cordon ombilical n'a pas été tranché. Nous ne jouons pas avec le temps.